RWE investit des milliards d'euros dans les énergies renouvelables. Alors oui, on en est fiers. De plus, chez RWE, 100% de nos fonds régionaux profitent aux collectivités, en accompagnant l'isolation thermique des bâtiments, par exemple. Ça, c'est RWE. RWE, producteur d'énergie renouvelable en France. Plus d'infos sur la page Action de notre site web. L'énergie est notre avenir, économisons-la. La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, la psychiatrie est-elle une médecine comme les autres ? La notion de folie demeure vague. D'abord parce que la frontière qui la sépare de son contraire, disons la raison, n'est pas très bien définie. Il y a mille et une manières d'avoir un grain de folie plus ou moins gros. Ensuite, parce que l'apparente évidence des signes cliniques qui permettent de repérer la folie n'implique nullement la sûreté du diagnostic. C'est pourquoi elle a pu être l'objet de toutes sortes de disputes au sein du monde de la psychiatrie, autant qu'en dehors de lui. Il n'y a qu'à voir, par exemple, la liste des diverses causes de la folie qu'on a imaginées au cours des siècles. Cette liste étant interminable, je n'en citerai qu'un bout. Emprise du diable sur l'imagination, excès de poésie au sein du système nerveux, mauvais fonctionnement du cerveau, pathologie en partie héréditaire, dérèglement de la cognition, conséquences d'un malheur existentiel, déviance sociale, conflits à l'intérieur de la psyché, etc. Mais à défaut de toujours bien comprendre les mécanismes qui engendrent les troubles mentaux, on peut tenter de classer leurs différentes manifestations en les observant de façon pragmatique, comme on le fait pour les autres maladies. Problème, là encore, l'affaire n'a pas l'air simple, notamment parce que la liste de ces troubles est elle aussi longue et évolutive. Mélancolie, dépression, paranoïa, mégalomanie, anxiété, troubles de la personnalité borderline, phobie sociale, bipolarité, schizophrénie, perversion narcissique, troubles du deuil prolongé, stress post-traumatique, déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, troubles obsessionnels compulsifs, etc. D'une version à la suivante du catalogue des désordres mentaux, comme on dit plutôt désormais, de nouveaux termes apparaissent, souvent sous forme d'acronymes, tandis que d'autres sont abandonnés. Ce qui laisse penser que les façons de considérer la folie, entre guillemets, voire de la pratiquer, de la vivre, changent elles-mêmes au cours du temps. Dès lors, comment faire avec et comment le faire au mieux ? Pour répondre à ces questions délicates, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Venet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre et écrivain, les deux à la fois, en même temps, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Vous avez écrit notamment un livre dont le titre m'intrigue. Il s'intitule 49 poèmes carrés, dont un triangulaire. Le géomètre que je suis un peu s'étonne. Vous avez écrit un précis de médecine imaginaire. Et puis vous avez écrit un roman, je crois, qui s'intitule Rien. Ça sera ma première question. Qu'est-ce qu'il y a dans Rien ? Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a dans un livre qu'on intitule Rien ? Il y a beaucoup de choses, bien évidemment, puisque l'organisation du livre tourne autour de cette scène archi-banale, cinématographique, d'un couple au lit. Madame demande à monsieur à quoi penses-tu ? Et monsieur répond à rien. Et entre, il y a tout ce à quoi il a pensé en une fraction de seconde qui est déplié lentement. Et ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Oui, ça renvoie à l'idée que penser le rien n'est jamais penser à rien. Oui, effectivement. Alors, est-ce que l'écriture chez vous est un divertissement par rapport à votre métier de psychiatre? Ou bien est-ce que les deux activités procèdent pour vous d'un seul et même mouvement? Ça pourrait être un divertissement au sens pascalien par rapport à ma mortalité, à ma condition humaine. Mais c'est la passion qui charpente ma vie. Et la psychiatrie sera plutôt l'action rationnelle qui m'a permis de la gagner. Mais que j'ai beaucoup moins investi, en tout cas lorsque j'étais jeune. Puis petit à petit, je me suis rendu compte que j'avais fait finalement plutôt un bon choix, parce que l'exercice de ce métier singulier me plaît de plus en plus, et la rencontre avec des humanités hors normes, décalées, un peu un peu étonnante, un peu saugrenue, excentrique, extravagante. C'est une source permanente à la fois d'étonnement, de satisfaction et d'inspiration également pour mon travail littéraire. Mais vous n'écrivez pas sur n'importe quel sujet. Par exemple, vous avez écrit un livre sur Antonin Artaud. J'imagine que c'est pas par hasard. Ah, c'est pas du tout par hasard. Au départ, d'ailleurs, c'était pas un livre dans mon esprit, c'était destiné à être un article. Et cet article est né du fait que j'ai découvert un peu tardivement, si vous voulez, voilà, quand j'étais jeune étudiant, jeune praticien, j'entendais dire, et je m'y tenais, que Ferdière, le psychiatre qui a soigné Artaud à Rodez pendant 3 ans, était une espèce de crétin scientiste, inculte, arrogant, qui avait rien compris à Artaud. C'est un petit peu l'image qui restait de lui. Et à un moment, je suis allé y voir de plus près, parce que j'ai dû entendre un collègue dire que c'était pas si vrai que ça, que ce portrait était une caricature extrêmement fallacieuse. Et effectivement, j'ai découvert un Ferdière qui a été hésitant lui aussi entre la littérature et la psychiatrie, enfin ou la médecine. D'ailleurs, la psychiatrie n'était pas son premier choix. Sa mère était morte d'une tumeur cérébrale et il voulait devenir neurochirurgien. Mais donc il hésitait entre ces deux dimensions et il était quand même, il avait le nez creux puisqu'il avait repéré que le mouvement intéressant du début du XXe, c'était les surréalistes et c'est vers eux qu'il est allé chercher une sorte de compagnonnage littéraire qu'il a trouvé un petit peu auprès d'André Breton, mais de manière assez, finalement, assez distante, mais de manière beaucoup plus proximale avec Desnos, Robert Desnos, qui lui a ouvert sa porte, qui ouvrait sa porte, d'ailleurs, je crois, assez largement. Et c'est là, d'ailleurs, qu'il a rencontré Artaud pour la première fois, en 35, bien avant d'avoir à le soigner. Et donc cet homme était cultivé, était attentif à la créativité. Il était même, enfin, il soutenait beaucoup la créativité de ses malades. Il les faisait peindre, sculpter, dessiner, écrire. Et il a accueilli Artaud dans cette optique-là. Alors il s'est probablement un peu trompé. Il a un peu exagéré dans son rôle de psychiatre parce que il s'est échiné à faire sortir Artaud de son délire. Parce que début 43, quand Artaud est arrivé à Rodez, il sortait d'une succession d'internements qui avait commencé en Irlande, à Dublin, où il était parti en voyage pathologique pour rendre la canne de Saint-Patrick aux Irlandais. Et puis ensuite, il a été interné au Havre, à Sainte-Anne, à Villévrard, à côté de Paris. Et puis, il est parti à... Il est parti à Rodez à la demande de Desnos, justement, qui est allé le voir en 42. Et en 42, c'était le gros de la tourmente de ce qu'on appelait la famine hospitalière de la Deuxième Guerre. Et Artaud était probablement en train de mourir de carences alimentaires, de carences vitaminiques. Il était édenté, il était amaigri de manière effroyable et extrêmement malade. Et depuis qu'il était revenu d'Irlande, il écrivait peu, et ce qu'il écrivait, il n'arrivait pas à le garder. On a des raisons, Florence de Merdieu, par exemple, a colligé un certain nombre d'écrits de cette époque, mais il y a probablement beaucoup d'écrits qui se sont perdus. Et Ferdière, en 43, s'est évertué, donc, à ramener Artaud à la raison raisonnante, à la raison commune, par le biais des électrochocs. Et là, on peut dire qu'il a été quand même il a eu la main un peu lourde parce qu'il en a prescrit beaucoup. Et puis qu'il a même fait courir un risque important à Artaud puisqu'on a su longtemps après que lors de la troisième séance, Artaud avait eu une fracture vertébrale au niveau du cou. Et c'est vraiment une contre-indication formelle à en refaire. Mais malgré tout, il en a eu d'autres. Heureusement, sans dégâts au niveau de la moelle épinière, mais ça aurait pu lui être fatal. J'ai dit dans mon chapeau, Emmanuel Venet, que la folie est une notion vague. Et si j'ai parlé d'Artaud, c'est parce que dans son livre L'ombilique des limbes, il écrit ceci: « Les gens qui sortent du vague pour essayer de préciser quoi que ce soit de ce qui se passe dans leur pensée sont des cochons. » Donc ma question, c'est: est-ce qu'on peut sortir du vague avec la folie? Et j'attends que vous me répondiez, parce que vous avez écrit un livre... de couleur jaune, paru en 2020, qui s'intitule « Manifeste pour une psychiatrie artisanale ». Et c'est autour de lui que va tourner notre conversation. Est-ce que la folie D'ailleurs, j'ai cru comprendre que le terme folie n'est plus utilisé. Plus beaucoup, non. Est-ce qu'on peut la borner? Est-ce qu'on peut la repérer facilement? Est-ce qu'il n'y a pas des zones? Non, et je ne serais pas un cochon, là, sur ce coup-là. Non, c'est effectivement une notion qui est extrêmement floue. Je m'y étais intéressé dans un petit texte qui est inédit, qui a été un texte lu dans une performance, qui s'intitulait « Faut-il, pour être psychiatre, aimer ou détester la folie ?» Je trouve que c'est une question assez importante, et j'arrivais à la conclusion que, bon, d'abord que la folie se définit pas, effectivement, elle a, j'avais trouvé 21 définitions, dont plusieurs sont positives, hein. Par exemple, Oscar Wilde disait, les folies sont les seules choses qu'on ne regrette pas, au sens, les achats inconsidérés. Il y a un sens architectural aussi, enfin, il y a une efflorescence incroyable de signification. Mais j'étais arrivé à la conclusion que ce qu'il faut aimer pour être un bon psychiatre, c'est sa folie à soi, c'est-à-dire être assez tranquille avec le fait qu'on a le droit à une certaine extravagance, à une certaine atypicité, et qu'on peut travailler avec ça, et que c'est probablement ce qui nous permet de rencontrer les malades mentaux, en particulier ceux qui sont très éloignés de la raison ordinaire. Dans votre livre, vous distinguez ce que vous appelez la psychiatrie du sujet et à laquelle vous opposez la psychiatrie du symptôme. Alors, qu'est-ce qui les oppose, ces deux façons d'envisager, peut-être même de pratiquer la psychiatrie? Alors, la psychiatrie du sujet, c'est une psychiatrie qui considère que les individus qui sont soignés, et d'ailleurs les individus qui sont soignants, c'est pareil, sont construits sur un triple registre biologique, psychologique et social. Le psychologique étant bordé par le biologique et par le social. J'ai perdu mon fil. Bah, disons que le patient doit être... Ah oui, la psychiatrie du sujet, vous me demandiez. Oui. Et donc, le sujet biopsychosocial, c'est le sujet qu'on appréhende dans toute sa complexité. C'est-à-dire que vraiment, on a à s'intéresser à sa vie psychique en tant que psychiatre. Son histoire, son psychisme. Bien sûr. Les événements qui l'ont marqué. Mais également, ses maladies physiques, également, éventuellement, ses pathologies cérébrales, enfin, ses dysfonctionnements cérébraux, et puis, son mode de vie, savoir si il est inséré ou pas inséré, si c'est solide ou pas solide, s'il est victime d'une aliénation économique ou des choses comme ça. Et je pense que tous ces facteurs biologiques, psychologiques et sociaux convergent pour faire de chaque cas un cas unique qu'on va aborder dans sa singularité et qu'on va essayer de soigner de la manière la plus personnalisée possible. Alors, à cette psychiatrie-là, s'est substitué progressivement, sous l'effet, je pense, de la culture nord-américaine, ou anglo-saxonne plus largement, une psychiatrie du symptôme dont l'illustration la plus nette serait le DSM. Donc le Diagnostic Statistical Manual, qui est donc cette classification issue des travaux de l'Association américaine de psychiatrie, qui propose d'appeler toutes les maladies troubles, pour ne pas préjuger de leur étiologie, et de ne s'intéresser, pour poser le diagnostic, qu'à leur manifestation. Alors, je vous donne un exemple pour être bien clair. L'anorexie mentale. Le DSM a tendance à rabattre la question du diagnostic sur le fait qu'il y a une restriction alimentaire volontaire, une perte de poids de 30%, etc. Donc, des choses qui se voient de manière objective, extérieure, mais sans tenter de comprendre ce qui organise le comportement anorexique, alors qu'on sait qu'il y a en gros trois grandes manières d'arriver à l'anorexie. Il y a la manière psychotique, qui est un déni des besoins primaires de l'individu, la manière névrotique, qui est une question d'identification compliquée, douloureuse au féminin, et une question borderline, qui serait l'accrochage à un vécu perceptif particulier qui est reproductible et qui du coup ne peut pas être perdu et ne réveille pas de problématiques d'abandon. C'est trois manières très différentes et qui ont des destins en général d'ailleurs très divers, que la psychiatrie du symptôme ne considère en rien. Elle considère simplement qu'il y a un comportement anorexique et une perte de poids. Mais le nombre de, de façon d'être, d'avoir un désordre mental me semble augmenter au cours du temps. Alors, ça devient difficile d'être normal. C'est un peu autre chose. Ça, c'est une psychiatrisation de tous les comportements humains. Et c'est une autre tendance du DSM qui est plus récente, qui s'est manifestée de manière forte à la 4e édition et très forte à la 5e, qui considère effectivement que toutes les conduites humaines peuvent faire l'objet d'un diagnostic psychiatrique, et y compris le fait de boire du café, d'avoir une vie sexuelle trop épanouie, etc. Il y a un nouveau terme, par exemple, c'est le terme de bigorexie, qui désigne un besoin trop grand de bouger, d'avoir de l'activité physique, un besoin irrépressible de s'agiter, bref, une addiction sévère à la pratique du sport, notamment d'endurance. Elle serait la marque d'une identité fracturée, d'une faille narcissique, d'une cassure existentielle et d'une sorte d'abîme psychique dans lequel le sujet aurait dramatiquement sombré. Donc, pourquoi il n'y a pas... Alors, big, ça veut dire grand. Orexie, c'est l'appétit de mouvement, en l'occurrence. Pourquoi il n'y a pas la small orexie? C'est l'appétit, d'ailleurs, tout simplement. Orexie. Oui, mais alors, pourquoi il n'y a pas la small orexie? C'est-à-dire l'amour du canapé, du repos. J'en sais rien. Qui a des effets sur la santé publique plus importants, me semble-t-il, que la pratique du sport, même quand elle est excessive. Oui, alors là, derrière... On se demande un peu ce qu'il y a derrière cette psychiatrisation généralisée. Et évidemment, certains répondent de manière très très forte, très péremptoire, que c'est la marque de Big Pharma. Alors, bon, je veux pas tomber dans une vision trop caricaturale des choses, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de pathologies. Par exemple, chez les enfants, vous citiez le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Ça donne lieu à une médication médicamenteuse des enfants qui devient préoccupante et que beaucoup de pédopsychiatres commencent à dénoncer, aussi bien en France, en Europe, qu'aux États-Unis. Puisqu'on donne un médicament qui n'est pas neutre du tout, qui est une amphétamine dans ce genre de troubles, et que le nombre de cas a tendance véritablement à exploser. Mais ça explose parce qu'il y a des médicaments, c'est-à-dire que l'existence de médicaments change la façon d'être malade, sans doute. Écoutez, voilà, c'est une possibilité. Et dans votre livre, Emmanuel Venet, vous dites que le symptôme, c'est l'expression qui m'a surpris, vous dites que le symptôme est un compromis défensif. Mais oui, ça c'est une vision psychodynamique. Mais ça veut dire quoi? Défense contre quoi? Eh bien, la défense contre ce qui fait souffrir. Et ce qui fait souffrir, ben en gros, on sait à peu près, c'est l'hypothèse de sa mort, l'hypothèse d'être abandonné, l'hypothèse de perdre quelque chose à quoi on tient beaucoup, quelque chose ou quelqu'un. Et donc, contre ces grandes angoisses de fond, on dresse tous plus ou moins des stratégies défensives. Et quand elles sont en faillite, alors ça peut être par exemple, je vous donne un exemple, ça peut être le goût de l'activité, un certain activisme, le goût du trail, pourquoi pas. Tant que c'est à l'équilibre, ça va très bien. Et puis, à un certain moment, si ces défenses sont battues en brèche, alors à ce moment-là, ça peut devenir symptomatique et être très excessif. Est-ce qu'on arrive à compter les chapelles qui existent dans votre discipline, la psychiatrie? J'ai cru comprendre qu'elles étaient très nombreuses. Oui, très très nombreuses. L'OMS recense, d'après ce que j'ai lu, 400 formes de psychothérapie. Et je serais tenté de vous dire que autant de psychiatres, autant de chapelles, d'une certaine manière, si vous mettez trois psychiatres autour d'une même table, il y a tout à craindre qu'ils se disputent. Mais les grands mouvements, les grands courants sont les courants biologiques. Donc tout ce qui considère qu'en somme c'est le cerveau qui produit les symptômes psychiatriques, le courant psychologique, psychogénique, qui est toute la psychodynamique héritée de la psychanalyse, également le cognitivisme, et puis le courant sociogénique, génétique, qui considère que c'est l'environnement qui fait souffrir et qui crée la maladie mentale. Et ça sera illustré par l'antipsychiatrie. Les mouvements antipsychiatriques des années 60, par exemple, 60-70. Est-ce que vous tenez compte des découvertes, ou disons des résultats obtenus par les gens qui étudient le cerveau en tant que tel? oui, les neurosciences. Oui, alors j'ai un grand respect pour les neurosciences en général, et puis je suis content, je me réjouis, et je pense qu'il faut se réjouir des progrès considérables qui ont été faits dans le domaine de l'exploration du cerveau et de la compréhension de son fonctionnement, puisque maintenant on a une imagerie dynamique qui permet de voir comment le cerveau fonctionne dans tel et tel cas de figure. Malgré tout, les neuroscientifiques, on va dire responsables et lucides, conviennent que ces progrès sont fantastiques, mais que les connaissances sont encore extrêmement rudimentaires par rapport à l'infinie complexité de la vie psychique, et qu'on est très très loin de pouvoir voir la pensée, de pouvoir voir les opérations psychiques. On voit simplement, globalement, quelle structure cérébrale travaille quand on fait telle action mentale. Mais c'est vraiment très rudimentaire. Et ce que je dénonce, peut-être en creux dans mon livre, c'est un certain scientisme, c'est-à-dire un certain usage. C'est pas en creux. Oui, c'est pas en creux, oui, c'est oui, en relief. C'est un usage péremptoire et excessif de des avancées de la science qui considérerait à dire qu'on est en train de tout élucider, mais pas du tout. Alors, il y a deux domaines. Il y a le domaine du fonctionnement cérébral et puis le domaine de la génétique, qui sont des domaines où les progrès sont à la fois fantastiques et en même temps où les connaissances sont balbutiantes. Alors, vous me demandiez si je m'intéresse à ces écoles. J'ai relu avant de venir vous rencontrer l'essai de Raphaël Gaillard qui s'appelle Un coup de hache dans la tête que vous... J'allais vous en parler. Oui. Sur le rapport éventuel entre le génie et la folie. Eh oui, bien sûr. Alors, c'est tout à fait passionnant parce que pour ceux qui ne connaissent pas ce travail, c'est un travail de synthèse absolument colossal sur beaucoup de travaux génétiques et en particulier des travaux de phylogénétique. Puisque il s'agit de comparer le génome d'Homo sapiens à celui de Néandertal. Alors il y a tout un tas de travaux là-dessus qui amènent à cette conclusion ou à ce constat tout à fait contre-intuitif que Homo sapiens a sélectionné par rapport à Néandertal des gènes qui le prédisposent à la maladie mentale. Et ce que montre Stéphane Gaillard, c'est qu'en fait, la maladie mentale n'est pas un avantage sélectif, puisque les gens qui en sont atteints ont moins tendance à avoir de la descendance que les gens qui n'en sont pas atteints. Mais en revanche, il y a une espèce de coévolution. Les gènes de la maladie mentale sont souvent les mêmes qui prédisposent à la créativité et donc à la créativité qui permet une vie sociale plus riche, des groupes sociaux plus unis et plus forts devant la diversité. Et ça, c'est l'avantage sélectif qui apparemment expliquerait cette sélection de la maladie mentale et donc cette relative augmentation, cette probable augmentation. Bon, il n'est pas tout à fait sûr que ça ait augmenté, mais augmentation des troubles mentaux dans la communauté. Schopenhauer disait lui-même que le génie et la folie ont un côté par lequel ils se touchent et même par lequel ils se pénètrent. Oui, mais il y a quand même des fous qui ne sont pas géniaux. Mais si, La folie peut engendrer une souffrance qui empêche toute créativité. Alors il faut pas voir les choses de manière trop romantique. Mais c'est vrai que beaucoup de gens sont à la fois déséquilibrés et d'une créativité absolument merveilleuse. Alors je nuancerai simplement en disant que le gros des gens qu'on soigne dans les services de la psychiatrie publique sont des gens qui sont plus malheureux, plus en souffrance que dans une élation créatrice qui aboutit et qui leur permet de s'épanouir. Mais à cette réserve près, moi je pense qu'il faut toujours voir la maladie mentale comme porteuse aussi d'une positivité du côté de la créativité. Très bien, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, ça expliquerait pourquoi des gens qui avaient des comportements, disons, un peu bizarres ont été par ailleurs des grands créateurs, notamment en science. Oui. Ampère, Cantor sur les infinis, même Gödel qui est mort d'anorexie. Et alors, me revient la question de Ferdière. si vous me permettez, parce que on a un peu éludé la fin, mais il y a ce qui m'avait intéressé particulièrement pour me pencher sur son histoire, c'est que à propos de Ferdière et d'Artaud, Ferdière, comme je vous l'ai dit, donc est un peu radical dans son approche. D'ailleurs, il y a un grand conflit qui tourne autour de la question que vous souleviez, c'est que Artaud lui dit mon délire est la source de ma créativité poétique, il ne faut pas me l'enlever. Et donc c'est probablement de là que vient cette phrase qu'il écrira, ce reproche qu'il adressera à Ferdière, qui est comme quoi il avait voulu redresser sa poésie. Mais le fait qui avait retenu mon attention, c'est que il faut que pendant 3 ans Artaud soit soigné de manière très humaine, très attentive, très, on va dire. Et plus efficace qu'auparavant, pour qu'il puisse revenir à la vie civile en 46. Il a 2 ans devant lui avant de mourir d'un cancer, et il va écrire des textes absolument décisifs, enfin qui font partie de ceux que je préfère de son œuvre, à commencer par Van Gogh, le suicidé de la société. Et dans ce Van Gogh, il va attaquer de manière extrêmement brutale la psychiatrie, et Ferdière se retrouve dans la position de celui qui a rendu une certaine liberté créatrice à son patient, pour que cette liberté créatrice s'exprime à son encontre. Il n'y a pas de reconnaissance. Bah oui, ça c'est sûr, on peut avoir l'impression que Artaud mord la main qui l'a nourri, mais c'est un cas de figure, enfin, c'est aussi la preuve d'une vraie liberté, et c'est quelque chose qui est à respecter absolument. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre quand Artaud écrit, par exemple, alors je ne sais pas en quelle année il l'a écrit, mais il dit « Nul n'a jamais écrit ou peint, sculpté, modelé, construit, inventé, que pour sortir de l'enfer. » Bien, probablement de l'enfer de la psychose, puisque Artaud souffrait beaucoup. Vous vous souvenez de la phrase, enfin de cette correspondance avec Jacques Rivière, dans laquelle il lui dit « je souffre ». Son éditeur. Oui, son futur éditeur, enfin à l'époque où il cherchait à se faire éditer par la NRF, et où il écrit « je souffre d'une terrible maladie de l'esprit », quelque chose comme ça, enfin je me souviens plus le mot à mot. Et d'ailleurs, où Rivière lui répond « mais non, ça va passer, enfin c'est pas si grave », avant de se rétracter un peu plus loin et de dire « j'ai fait comme ces médecins qui ne veulent pas entendre les symptômes pour assurer leurs patients qu'ils vont bien ». Dans votre livre, Emmanuel Venet, vous parlez de psychiatrie positiviste. Et et là, on voit que vous êtes écrivain et que vous êtes un grand lecteur. Vous prenez l'exemple d'une scène qu'on peut lire dans Madame Bovary. Alors ça, c'est dans un autre livre. C'est dans La lumière, l'encre et l'usure du mobilier. Votre dernier, je crois, non ? Qui est, oui, l'un des derniers, l'avant-dernier, qui est paru au début de l'année chez Gallimard. Et c'est une scène, oui, effectivement, que j'aime bien. C'est une illustration de ce que je conteste, de ce contre quoi je m'insurge en psychiatrie. Je rappelle donc la scène de Madame Bovary, qui est assez connue. Elle s'est liée d'amour avec Rodolphe. Rodolphe lui a parlé de l'emmener en Italie faire un grand voyage quasi nuptial. Et il voit que ça lui fait briller les yeux et que ça la rend encore plus exaltée, donc encore plus charmante. Mais à un moment, au pied du mur, il se dit « Oh là là, mais c'est un peu gênant quand même, c'est un peu embêtant ce voyage, ça va me ficeler. » Et donc, il envoie, comme il a l'habitude de le faire, un petit mot sous une corbeille de fruits à Madame Bovary, mais cette fois, c'est pas un mot d'amour, c'est un mot de rupture, lui disant que, enfin, c'est un mot qui est très côteleux, qui lui dit qu'elle leur amour est si beau, qu'elle est si pure, qu'elle ne mérite pas une histoire qui la souillerait, etc., qui souillerait sa réputation. Et donc, quand elle ouvre le message où elle attend, bien évidemment, un mot d'une toute autre tonalité, elle est profondément blessée, et peu de temps après, elle voit Rodolphe passer devant sa fenêtre en Tilbury pour filer au Havre ou à Rouen, prendre le bateau, enfin je sais plus exactement le détail. Et là, elle fait une syncope. Alors, l'éternel Homais arrive à la rescousse. Le pharmacien. Et le pharmacien qui est très, alors vraiment très scientiste, très positiviste. Et Homais dit à Charles Bovary, qui est meurtri de voir sa femme dans cet état, en syncope, il lui dit non, mais ça c'est l'arôme des abricots, il y a pas de discussion là-dessus, c'est prouvé, il y a des papiers là-dessus, et ça le fait même aux chiens. Certains arômes font faire des syncopes même aux chiens. L'odeur de l'abricot. Et, voilà. Et alors c'est les arômes de fruits, hein, je crois que c'est plus général. Et je pense que ce genre d'erreur d'attribution, c'est quelque chose qui fonctionne assez régulièrement en psychiatrie. Et par exemple, c'est-à-dire l'invocation de fausses corrélations. Écoutez, je vous donne un exemple. Les antidépresseurs dans les dépressions, dans les chagrins d'amour, pour le dire de manière un peu vague, hein, on est sous le signe du vague. Les antidépresseurs dans les chagrins d'amour, ça marche à peu près aussi bien que le placebo. Parfois, ça marche un peu moins bien parce que ça a des effets secondaires. Mais pour autant, nombreux sont ceux d'entre nous qui prescrivent des antidépresseurs à des gens qui font un chagrin d'amour. Mais le chagrin d'amour, c'est pas un désordre mental. Jusqu'à ce qu'on dise que à partir du moment où la personne consulte, c'est pas ma position, vous le comprenez bien, mais c'est une position assez fréquente. À ce propos, si vous me permettez de pousser un petit peu plus loin. Bon, je reviens à mon manifeste. Donc, mon manifeste pour une psychiatrie artisanale, c'est-à-dire une psychiatrie qui s'intéresse au sujet dans sa singularité. Je crois que c'est ça le sens du mot artisanal, le sens qu'il faut donner. Un petit peu, je prends la métaphore de la lutherie, un petit peu comme le luthier qui, chaque fois qu'il va devoir faire un violon, va s'intéresser aux planches qu'il utilise et à la singularité de chaque planche, parce qu'il va prévoir qu'elle va travailler comme ci, comme ça, qu'elle va sécher comme ci, comme ça, et qu'elle risque de fendre de telle manière. Et donc c'est en fonction de ces constats et de cette singularité qu'il va créer son instrument. Je pense que la psychiatrie gagne à être construite, enfin le soin psychiatrique, à être construit de manière très très personnalisée en fonction de ce qu'on observe chez les gens. Et actuellement, il y a une tendance lourde qui m'inquiète énormément. C'est une tendance à faire du diagnostic probabiliste et très rapide. Alors, en particulier avec ce qu'on appelle des centres experts. Les experts sont souvent autant experts que moi je suis pape, puisque parfois c'est l'interne ou l'assistant qui a quelques années d'expérience tout au plus. Mais dans une interaction assez rapide avec le patient, une demi-journée, deux demi-journées, trois demi-journées maximum, avec des batteries de tests psychométriques, le centre expert produit un diagnostic et des préconisations qui ensuite seront mises en œuvre de manière, avec un fétichisme du diagnostic qui est tout à fait contestable. Alors, je peux témoigner très fort avoir vu des gens faire l'objet d'un diagnostic de trouble bipolaire pour un chagrin d'amour, pour des raisons, sur des critères complètement fallacieux. Par exemple, quelqu'un dans la parenté proche qui s'est suicidé. Alors, à partir du moment où il y a un suicide dans la parenté proche, ça serait un argument décisif pour le trouble bipolaire. Sauf que quand vous regardez d'un peu près cliniquement l'histoire de la personne, vous apercevez qu'il n'y a aucun critère clinique qui permet de porter ce diagnostic. Et le drame, c'est que c'est des gens à qui on prescrit des traitements très lourds, des traitements régulateurs de l'humeur, très lourds et au très long cours, qui ont plein d'effets secondaires et qui vont leur pourrir la vie durablement. Alors, je vous dis pas que c'est systématiquement le cas, mais je pense qu'il y a un surdiagnostic et une surmédicalisation, médication en psychiatrie, qui devient un sujet préoccupant. C'est la raison pour laquelle vous dites que l'hôpital psychiatrique se transforme en station de graissage vidange cérébrale express. Oui, c'est ça va trop vite. Oui, c'est un peu vrai. Oui, c'est... Alors, si vous voulez, mon manifeste, peut-être qu'il n'est pas inintéressant de revenir sur les circonstances dans lesquelles je l'ai écrit. Je l'ai écrit fin 2019, à la toute fin 2019, et de manière très éruptive. C'est un tout petit livre, que j'ai écrit en 3 semaines, et puis que j'ai réécrit en... 84 pages. Ouais. Et j'ai réécrit en janvier 2020 pour la petite histoire parce que les éditions Verdier m'ont renvoyé le manuscrit truffé de points d'interrogation parce que j'avais essayé de l'écrire dans une langue compréhensible par tout le monde, qui soit pas une langue trop technique. Mais malgré moi, j'étais tombé dans tout un tas de travers de cet ordre-là. Et donc, je l'ai traduit en langage pour tous au mois de janvier. C'est pas tout à fait une chronologie inintéressante parce que décembre 2019, c'est l'époque où on entendait parler d'un virus à Wuhan qui avait des conséquences fâcheuses et on pensait que ça nous concernerait pas. En fait, on connaît la suite. Donc le livre a d'ailleurs été retardé pour cette raison. En 2019, ce que je constatais tout d'un coup, c'est que une certaine limite à ma tolérance était franchie. Ma tolérance dans le spectacle du naufrage de la psychiatrie publique. Un naufrage absolument épouvantable, qui d'ailleurs n'a pas cessé depuis et s'est même probablement aggravé. Et que je situerais sur deux registres. Un registre quantitatif, la perte de moyens. Alors, par exemple, la perte de moyens budgétaires, c'est tout à fait reconnu par des gens haut placés au ministère que les budgets de la psychiatrie publique n'ont pas suivi la même pente d'augmentation que les budgets de la médecine chirurgie obstétrique, ce qu'on appelle MCO, et que il y a un manque à gagner. C'est-à-dire, il y a une volonté politique de tarir le budget de la psychiatrie publique qui correspond à un manque de l'ordre de 5 à 10% actuellement. C'est difficile à chiffrer précisément, mais c'est de cet ordre-là. C'est colossal. La perte de moyens, c'est également les moyens humains, c'est-à-dire que les organigrammes sont pleins de trous, il y a plein d'hôpitaux qui sont totalement à la corde. Actuellement, par exemple, l'hôpital du Mans lance un SOS parce qu'ils n'ont plus les moyens humains de... Vous voulez dire de psychiatres, en l'occurrence. De psychiatres et de paramédicaux, oui, c'est ça. De répondre enfin, de remplir leur mission. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait inquiétant. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect qualitatif qui conduit donc à ce que la psychiatrie abandonne, la psychiatrie publique, abandonne subrepticement une partie de ses missions de soins, voire peut-être toutes ses missions de soins, au profit des missions sécuritaires, puisque la psychiatrie publique, elle est l'héritière de l'aliénisme du 19e siècle qui a été proposé par Pinel et mis en œuvre par Esquirol et c'est une discipline qui souffre toujours d'une espèce de d'ambivalence dans son acte de naissance, c'est-à-dire que c'était une institution et une discipline vouée aux soins des malades mentaux, mais également au contrôle social et à l'exclusion hors de la société des personnes dangereuses pour des raisons psychopathologiques. Et actuellement, donc, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de retour. Enfin, il faut dire qu'au 19e siècle, la logique sécuritaire l'a très vite emporté sur la logique thérapeutique. Pour une raison déjà très simple, c'est que les moyens thérapeutiques étaient extrêmement faibles et peu efficaces. Pinel était sociogénétique, enfin, dans sa perspective, il pensait que c'était la société qui rendait les gens malades. Et l'expérience a vraiment démenti cette approche. On a vu les hôpitaux psychiatriques très rapidement se remplir, être des lieux où on rentrait mais d'où on ne sortait pas, et où régnait une promiscuité et ce qu'on appelle une iatrogénie, c'est-à-dire les gens finalement tombaient plus malades ou se retrouvaient plus malades de l'hospitalisation au long cours que rétablis. Donc cette naissance sous le sceau du sécuritaire, qui était accentué par le fait qu'il n'y avait pas de sécurité sociale à l'époque et que l'internement était la condition pour que les frais de l'hospitalisation soient pris en charge par la collectivité, en l'occurrence les conseils généraux, ça a peu à peu disparu à partir du 20e et essentiellement, je dirais, après-guerre. Quoi. C'est tout le mouvement des aliénistes a infusé une logique thérapeutique à partir de deux modèles, le modèle qu'on a appelé la psychothérapie institutionnelle et le modèle de la psychanalyse. J'y vais à grands pas, hein, je caricature un peu, mais c'est disons... Mais pourtant les chiffres sont étonnants, j'ai lu dans votre livre, Emmanuel Venet, qu'en 1999, la psychiatrie publique suivait 1,1 million de patients. En 2014, ce nombre a dépassé 2 millions. Aujourd'hui, ça doit être encore plus. Je crois que c'est 2 millions 3, 2 millions 4. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est simplement un grossissement lié à la démographie? Ou est-ce que le nombre de pathologies s'est accru? Ou est-ce que le nombre de malades s'est réellement accru? Eh ben, c'est une Qu'est-ce qu'on peut dire de l'évolution globale de la santé, disons, psychique des Français? Je vais vous dire mon sentiment. Je ne vais pas vous donner une réponse aggravée dans le marbre, mais mon sentiment, c'est que il y a plusieurs facteurs qui se conjuguent. D'une part, la facilitation plus grande à consulter un psychiatre, c'est-à-dire que en 1950, c'était vraiment un diagnostic d'exclusion sociale d'aller voir le psychiatre. Vous étiez fou, Donc plus il y a psychiatre, plus il y a de troubles mentaux. Repérer. Alors ça, c'était un raisonnement que j'ai entendu dans la bouche d'administratif et qui me plaît moyennement. Mais c'est le vôtre. On y reviendra. Non, il y a plus de psychiatres maintenant qu'avant. Attendez, c'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit c'est plus facile pour des raisons de compréhension, de tolérance sociale. Voilà. Non, c'est pas du tout le nombre de psychiatres que j'incriminais. Donc c'est plus facile d'aller voir le psychiatre. Alors peut-être que de ce fait-là, il y a plus de gens qui poussent la porte d'un centre médico-psychologique. Mais je pense aussi que il y a une souffrance psychique qui est liée aux difficultés de vivre dans une société qui est de plus en plus anxiogène, de plus en plus dure. Alors évidemment, il y a la crise pétrolière fin des années 70 qui a conduit au chômage de masse. Il y a la paupérisation considérable de la population. Je crois qu'on arrive à peu près à 15% de la population française qui vit en dessous du seuil de pauvreté actuellement. Il y a l'éco-anxiété. L'éco-anxiété, oui, j'y pensais. Alors, je dois dire que j'ai pas de consultants qui viennent me voir pour éco-anxiété. Mais c'est probablement une toile de fond qui aggrave beaucoup d'autres troubles. Et c'est l'été absolument monstrueux qui est en train de se terminer, mais qui n'est pas terminé. Qui n'est pas terminé aujourd'hui. Et là, pour nous rappeler que, effectivement, il est en train de se passer quelque chose de tout à fait inédit, en tout cas dans l'histoire de l'humanité, et de très très inquiétant. Mais vous dites par exemple que la schizophrénie touche 1% de la population, les troubles bipolaires entre 1,2 et 5,5%, et les troubles du spectre de l'autisme moins de 1%. Enfin, au moins 1%, pardon. Mais qu'au total, 20% de la population présente un trouble mental, et sur la vie entière, environ un tiers de la population a souffert, souffre ou souffrira d'une pathologie psychiatrique. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de pathologies qui ne sont pas les trois que j'ai citées. Il y en a beaucoup d'autres. Oui. Quelle est celle qui domine? Je pense que c'est la dépression qui est la plus fréquente. Et vous pensez que ça va donc ça va augmenter, j'imagine? C'est un risque. Écoutez, je l'affirmerai pas, mais c'est un risque. Et vous expliquez dans votre livre également, ça m'a passionné, ça, pourquoi on dit que l'hystérie a disparu. Ah oui, pourquoi on raconte cette histoire alors qu'elle n'a pas vraiment disparu? Oui, alors l'hystérie, c'est une pomme de discorde absolument terrible. Quelle est votre version de la chose? Moi, ma version de la chose est la suivante. L'hystérie, d'abord, c'est une création dans la classification médicale très ancienne, beaucoup plus ancienne qu'Hippocrate. Ça a été dans l'Égypte de la Haute Antiquité, donc à peu près 19 siècles avant Hippocrate. Ça a 4000 ans, 4000 et quelques années. Il y avait un modèle explicatif qui était extrêmement simpliste, qui était que les femmes hystériques étaient des femmes dont l'utérus n'était pas assez arrosé, et donc des femmes qui vivaient dans la continence, en gros, et dont l'utérus migrait dans le corps pour trouver un peu d'humidité. D'humidité, ce qui occasionnait des symptômes très erratiques, un peu de mal à la tête, un peu d'oppression thoracique, un peu de paralysie dans les bras ou les jambes. Donc c'était l'explication. Et utérus renvoie à la racine grecque. Enfin, hystérie renvoie à la racine grecque utérus, donc c'était une maladie féminine. Il a fallu beaucoup de temps pour qu'on sorte de cette logique, et je pense que la première avancée décisive, c'est pas Charcot, parce que Charcot, à mon avis, il y comprenait rien à l'hystérie. Il cherchait la lésion dynamique, et la lésion dynamique, à mon avis, on peut la chercher encore, et on la cherchera longtemps. Mais c'est Freud qui a proposé l'idée que l'hystérie n'était pas strictement féminine. Enfin, ça, il n'est pas le seul à le dire, que c'était pas strictement féminin et que c'était donc des symptômes physiques qui venaient symboliser un conflit psychique. Là-dessus, la psychanalyse donc a fait beaucoup de travaux sur l'hystérie. C'était le gros bataillon de recrutement des psychanalystes. Et beaucoup plus près de nous, Lucien Israël a proposé une sorte de révolution topique, enfin métapsychologique, en proposant l'idée que le symptôme hystérique était un message, c'est-à-dire en sortant complètement du monisme freudien et en disant, par exemple, la crise de migraine de la jeune mariée le soir de sa nuit de noces, c'est un message adressé très clairement à son nouvel époux, comme quoi il faudrait qu'il s'abstienne de pousser trop loin son avantage. Alors, Lucien Israël nous propose avec ça tout un tas de constructions sur l'hystérie qui en font en quelque sorte la maladie mentale qui échappe à toute systématisation et à toute élucidation définitive sur le plan de la psychopathogénie. Ce qui rappelle d'ailleurs un mot que j'aime bien d'un de mes maîtres en médecine, dans pathogénie, n'oubliez jamais qu'il y a patauge. Donc, Lucien Israël dit que c'est une pathologie, une psychopathologie qui rend modeste. Comme on arrive à, on a du mal à la classer, on dit qu'elle n'existe pas. Alors, c'est mon hypothèse. C'est mon hypothèse qu'il y a un fantasme d'omniscience. Notre science doit tout comprendre, doit tout élucider. Et donc, la pathologie mystérieuse, la pathologie qui échappe, qui est évanescente, alors celle-là, on la sort des classifications. Mais alors, quels seraient les symptômes contemporains de l'hystérie qui permettraient de la constater sans être capable de la définir? Beaucoup se retrouvent dans la dépression, les troubles de l'humeur, la bipolarité, les troubles anxieux, choses comme ça. Et puis j'avais fait une proposition, bon, qui a pas eu de suite pour l'instant, mais je vous la livre quand même parce que je pense que c'est une piste de recherche. Il me semble que ce qu'on appelait la conversion sur le corps, donc du conflit psychique chez les hystériques, peut céder la place à une conversion dans le corps social, c'est-à-dire des espèces de pathologies sociales, et je pense à des comportements qui sont des comportements qui induisent une grande souffrance, mais qui sont pas encore psychiatrisés, peut-être dans le DSM-6, il y aura ça, mais par exemple, des comportements très masochistes, de surendettement, de dépenses complètement inconsidérées, qui mettent la personne dans une aliénation économique, de manière d'ailleurs à pouvoir trouver un persécuteur bien désigné en la personne des créanciers, plutôt qu'en la personne de soi-même. Est-ce que vous, les psychiatres, vous êtes capables de faire ce que font par exemple les médecins qui travaillent dans le domaine du cancer? Ils identifient des cohortes de malades qui ont à peu près les mêmes tumeurs au même stade de développement et font de la statistique à propos de l'évolution de ces cancers et en tirent des informations sur la maladie. Est-ce que vous pouvez par exemple identifier une cohorte de schizophrènes ou de personnes bipolaires et voir comment ça se passe? Ou est-ce que chaque cas, et j'ai l'impression que c'est ce que vous pensez, mérite d'une attention particulière qui empêche de le considérer selon une loi générale? En théorie, le DSM, la classification dont on parlait, elle est faite pour la recherche et elle a cette vocation à permettre de créer ce qu'on appelle des groupes homogènes de malades. Et exactement comme en cancérologie, où effectivement, on va se baser sur la taille de la tumeur en cancérologie, sur la présence de ganglions, sur la présence de métastases, pour faire une stadification précise. Et ensuite, les gens qui rentrent dans une cohorte de malades, on va leur proposer des protocoles de soins, alors A et B par exemple, et puis on regarde ce qui marche le mieux, et ensuite on préconise que ce soit celui qui marche le mieux. Alors théoriquement, oui, c'est à ça que vise le DSM. Je vous assure que quand on a accès aux informations plus précises sur une cohorte de malades en psychiatrie qui auraient été considérées comme homogènes sur la base en général d'une évaluation psychométrique, par exemple d'une échelle de dépression, d'une échelle de schizophrénie, eh bien, on est absolument stupéfait par l'hétérogénéité des tableaux, l'hétérogénéité des enjeux sous-jacents aux symptômes ou à la pathologie. Et personnellement, je n'y crois pas du tout à cette possibilité. Mais je vais un cran plus loin. Je ne crois pas du tout non plus au raisonnement statistique et au raisonnement probabiliste. Ce, par exemple, qu'on utilise pour calculer la probabilité qu'un détenu dangereux sortant de prison récidive. Ben, si vous voulez, j'y connais pas trop, cet aspect de la criminologie, c'est pas mon... Moi, j'ai vu qu'aux États-Unis, dans certains endroits, on calcule la probabilité qu'un détenu qui vient de terminer sa peine récidive. Oui, à partir de données statistiques concernant d'autres personnes que lui-même. Et vous êtes bien d'accord que ça ne dit rien. Non, bien sûr. S'il a 23% ou 17% de risque de récidive, qu'est-ce qu'on en fait, hein? C'est vraiment, c'est comme ces statistiques idiotes quand les gens sont phobiques de l'avion et qu'on leur dit t'as pas une chance sur tant de que l'avion crash. Le raisonnement probabiliste en psychiatrie, c'est ce qu'on appelle, enfin en médecine en général, c'est l'evidence-based medicine, la médecine basée sur des preuves. Alors, je ne conteste pas qu'il y a là un progrès, c'est-à-dire que ça permet de réfuter des approches thérapeutiques complètement farfelues. Et qu'effectivement, il y a un certain nombre de travaux, de recherches qui, lorsqu'elles sont solides sur le plan méthodologique, donnent des informations intéressantes. Mais malgré tout, en médecine et particulièrement en psychiatrie, je crois que l'essentiel de la démarche thérapeutique, c'est l'intuition clinique. Et l'intuition clinique, ça demande d'avoir du temps, d'être en relation, vraiment en relation avec le patient, de pas se précipiter. Alors ça, c'est aussi une autre différence avec le cancer. Dans la logique oncologique, bien évidemment que plus on soigne tôt, et moins on soigne lourd, moins on est mutilant, voilà, et plus on donne à la personne des chances de survie. Alors, on a importé, beaucoup d'universitaires ont importé ce modèle en psychiatrie sans aucune critique, en disant voilà, il faut faire des diagnostics précoces, ultra précoces, peut-être même avant la survenue des premiers symptômes, sur par exemple des critères de vulnérabilité à la schizophrénie. Je suis extrêmement circonspect vis-à-vis de ces approches, et même en opposition avec ces approches. Je pense qu'il faut que le diagnostic soit juste, plutôt qu'il soit rapide. Et je pense qu'il vaut mieux attendre un peu avant de prendre un cap thérapeutique, et puis d'ailleurs le prendre toujours de manière provisoire et modeste, en se disant qu'on peut le réviser si ça marche pas. C'est ce que vous appelez la psychiatrie artisanale. Voilà. J'ai une dernière question, parce qu'on arrive à la fin de notre émission, mais est-ce qu'on peut guérir d'un désordre mental, d'une maladie mentale? Est-ce qu'il y a des cas de guérison complète? Alors, moi j'en ai vu, j'ai eu des surprises considérables. Je me souviens en particulier d'un patient schizophrène qui était l'un des plus symptomatiques que j'ai jamais rencontré, et qui à un moment, alors avec la pointe d'un traitement, ça il faut bien le reconnaître, mais il avait déjà des traitements, puis tout d'un coup on a trouvé la molécule qui lui convenait, il n'avait plus aucun symptôme, et il étonnait énormément les collègues. Je l'avais confié à un foyer thérapeutique qui était dirigé par un collègue de toute confiance, un grand clinicien. Mais vous-même, vous n'aviez pas prédit qu'il pourrait guérir? Non, pas du tout. Et je l'aurais jamais prédit, j'aurais jamais dit ça. Pour les pathologies plus légères, bien évidemment que beaucoup de gens guérissent. Et puis, il y a des pathologies un peu particulières comme l'autisme, si vous voulez, où c'est discuté, est-ce que c'est un handicap, une pathologie ou un variant humain. Dans les formes légères d'autisme, il faut vraiment considérer que c'est un variant humain et que les gens trouvent des aménagements pour vivre avec. C'est plutôt une bonne nouvelle, donc on va conclure là-dessus. Oui, merci Emmanuel Venet pour avoir participé si efficacement à notre émission. Je recommande la lecture de votre livre « Manifeste pour une psychiatrie artisanale » paru aux éditions Verdier. Et tout de suite, nous retrouvons Alexandra Delbeau pour sa chronique « Avec science ». À l'occasion des 77 ans du journal de Tintin, plongeons ensemble dans cette œuvre d'Hergé par le prisme des sciences. Car si Tintin, en bon journaliste reporter, cherche ardemment la vérité, Hergé, lui, avait un certain souci de réalisme scientifique. Il faut savoir qu'il s'est toujours beaucoup documenté. Il lisait des journaux et des revues de vulgarisation, s'est entouré de scientifiques et il a même fait des visites de centres de recherche. C'est pour cela qu'il y a dans cette œuvre de nombreux éléments scientifiques, dont le diptyque de ses aventures sur la Lune est l'exemple le plus flagrant. Mais est-ce que ces éléments sont plausibles d'un point de vue scientifique? Alors, oui et non. Dans un aspect purement technique, oui, car certains sont directement inspirés de ce qui existe vraiment. Dans Objectif Lune, le professeur Tournesol est engagé pour réaliser cette fameuse fusée rouge et blanche, la XFLR-6, qui ressemble furieusement à des missiles V2 employés par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Hergé est forcé de s'en inspirer parce qu'à cette époque, en 1950, les fusées n'existent pas. Autre élément technique assez avancé présent dans cette œuvre, un télescope. Roland Lehoucq est astrophysicien au CEA et co-auteur de l'ouvrage. Mais où est donc le Temple du Soleil paru chez Flammarion? Ce télescope est un copier-coller du télescope de Schmidt du Mont-Palomar qu'a utilisé notamment le grand astronome américain Edwin Hubble, dont les observations sont à l'origine de la compréhension de l'expansion de l'univers. Eh bien, le télescope est remarquablement similaire, pour ne pas dire identique, au télescope qu'utilise Hubble. Alors, néanmoins, l'usage que Hergé en fait faire à ces personnages n'est pas tout à fait correct. La façon dont le technicien, dont l'ingénieur utilise le télescope est identique à celle de Hubble, mais Hubble l'utilise pour faire des photographies du ciel, alors que le technicien devrait l'utiliser pour suivre les évolutions, disons, plus rapides d'une fusée. Donc, l'usage et la façon de s'en servir pourrait être assez différente. Voilà. Donc, on voit qu'à la fois, il y a la volonté de faire bien, de faire réel, de faire quelque chose de correct et de pertinent, et en même temps, il n'est pas toujours capable de jauger de la pertinence de l'usage d'un objet technique ou d'une situation scientifique pour qu'elle soit parfaitement et strictement rigoureuse dans son histoire. Donc ici, c'est l'usage qui pêche. On ne suit pas une fusée avec un télescope. Le réalisme scientifique s'impose surtout dans l'album suivant, On a marché sur la Lune, sorti en 1954. Les effets du décollage de la fusée, ce qui arrive finalement aux personnages, ils sont écrasés dans leur siège par l'accélération, voire s'évanouissent. Bon, ils n'ont pas subi d'entraînement particulier, contrairement à ce qui s'est passé réellement pour les astronautes. Et bien là, c'est plutôt très bien décrit. Quand la fusée lunaire est posée sur la Lune, il y a même une image magnifique de la fusée lunaire qui vient de se poser à la surface de la Lune, avec un paysage lunaire, où il y a tout un tas de petites imprécisions ou d'erreurs, mais l'ambiance, d'abord, l'image est magnifique, et ensuite, il y a énormément de choses qui sont très cohérentes, très raisonnables, et plutôt très très bien faites. Et chronologiquement, Hergé était-il en avance sur son temps? Je rappelle que nous avons réellement marché sur la Lune 15 ans après la sortie de cet album, mais à cette époque, l'espace est dans l'air. La conquête spatiale attire déjà, donc le génie d'Hergé se trouve plutôt dans son trait, bien sûr, et dans la façon de raconter ses histoires, scientifiques ou non. Et donc c'est comme Jules Verne, finalement, on crie au génie parce qu'il a inventé le sous-marin électrique. En fait, le sous-marin existait à l'époque de Jules Verne, les moteurs électriques commençaient à apparaître. L'intérêt du travail de Jules Verne et l'intérêt du travail de Hergé, c'est finalement vulgariser, on pourrait dire ça, de mettre sous les yeux d'une large partie de la population des éléments scientifiques et techniques, même si parfois ils sont fautifs, mais ils sont aussi parfois extrêmement bien montrés, d'habituer la population à cette histoire lunaire, c'est-à-dire cette histoire spatiale, de sorte que quand on voit pour la première fois des humains en impesanteur qui flottent cul par-dessus tête dans une cabine spatiale, eh bien on a l'impression de l'avoir déjà vu, voilà, comme si c'était déjà fait. Et c'est tout le génie d'Hergé d'avoir mis en scène cette aventure. Et il y a aussi le professeur Tournesol. Est-ce qu'il représente bien les scientifiques? Alors, il est dégarni, un peu farfelu, mais surtout, il est seul. Et c'est ce dernier point qui n'est pas réaliste. Vous le savez, la recherche se fait à plusieurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, pour les aventures lunaires de Tintin, Tournesol s'associe à d'autres. Et c'est d'ailleurs seulement après l'album Objectif Lune qu'il est appelé professeur Tournesol et non plus monsieur. Donc cette aventure lui a fait prendre du galon. Merci Alexandra. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Marie-Claire Oumabadi et à la réalisation Margot Page, que je remercie. Thank you.